ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba bebo baba bebo baba bebo baba baba baba baba baba baba bebo baba bebo baba bebo baba baba bebo baba baba baba bebo baba baba baba baba baba bebo baba si te cone si te cone si te cone Damaye, la carisie. Si te connais, si te connais, si te connais, Damaye, la dolote. Mon copain, ça fait moins pas well. Mon copain, ça fait pas de well. Maman des bruits. Yo dis moi que la fièvre, la fièvre. Comment? Famille des malades. Et puis yo dis moi que madame mon contingent est convalescente. Vous comprenez moi ça? Vous comprenez? Alors, vous comprenez même si vous avez madame mon contingent quand vous t'a dit, ces machines là montent perpétuelles. Vous comprenez où est mon contingent à patiner? Vous comprenez pas ça? Ou pas que l'autre bagarre pour balle? Ou pas que l'autre bagarre pour balle? Tip bon, hein? Balle tip bon. Alors, les films balquent ti bon, alors reste bon, non, qu'on doit mettre dans chaise portative, faut qu'on doit mettre chita là-dedans. Avec ça, comprendre. Ou abjouer nous dijan sec, sec, coupé. Et puis, on l'autre, notre encore, ou abjouer ni caliente si, si, si bémol. Vous comprenez? Alors, même si par exemple, pourquoi on a toujours un camarade qui nous avait fait un petit coup de volant, qui t'avait fait un petit coup de volant, comprendre? Les films conduisent machine, non, comprendre? Au bon, on est dans conduit. L'homme à la droite, la gauche, l'homme à la gauche, la droite. Vous comprenez? Au bon, alors qu'on est, faut remettre comme là, parce qu'il y a une louange pour le faire pour vous. Il y a pour le dire, oh, mes amis, oh, à la bonne machine est-elle là-bas. Vous comprenez? Mais, on va arriver pas quitter faire prudence, pas laisser faire prudence. Sous le malais, quitter le bottin de papa, regardez nos machines à dégigoler avec vous, regardez nos patinailles. Vous comprenez? Tout roule à chimie. Ah. Mon copain, ça fait moins pas well. Mon copain, ça fait pas de well. Mon copain, ça fait moins pas well.